cette vie m'étouffe. Entre sirènes et les civières, si fier tu crois mon frère que l'agonie on peut s'y faire. C'est vrai, le bol d'air faut pacifier, man. Car les pièges sont planifiés, sont ainsi faits, ne font qu'insister. Et c'est la mer qui encombre nos poumons, tous essoufflés. Car nous courons tant que nous pouvons dans l'épouvante, hein. Les galères sont monnaie courante, la souffrance est éprouvante. Je te promets ça c'est souvent. Chouque les sourds, un peu d'air et beaucoup moins de tourments. Avoir du cash m'amène sans les merdes tournant. Sortir de ma zone, construire une petite baraque sans les blêmes qui te canardent. Par mon blaze où ils paradent. On cavale, on sent même plus les points de côté. Nos verres étranglent et puis font mal, normal qu'elles soient boycottées. Faut qu'on respire, même sans air faut qu'on résiste. Et pas qu'on se résigne, faut toujours se battre pour qu'on existe. Ouais, genre. Plus d'air, c'est tout terne, ça consterne, on va faire comment? En plus tu me dis que c'est la merde, c'est pas étonnant, donnant. Ce qu'on a sur le cœur, on prend les commandes. On se contente de peu, mais les galères t'attendent au tournant. Y'a plus d'air, ça consterne, on va faire comment? En plus tu me dis que c'est la merde, c'est pas étonnant, donnant. Ce qu'on a sur le cœur, on prend les commandes. Relève la tête et fais l'effort, l'oxygène augmente. Je suis à bout de souffle, en bout de course, écoute. J'avoue que je m'en bats les couilles et puis je m'en bats les toutes. Les meilleures choses n'apaiseront pas mes doutes. La route est longue, la vie est courte et y'en a marre des douilles, des gouttes de sang qui coulent sur le bitume. On court dans tous les sens, mais le temps s'écoule. Niquer sa mère, les cours, sur le moment c'est cool. Tu sais combien ça coûte, c'est comme une zouze et c'est court. Bon, ça coupe, mais Inch'Allah, t'arrives au bout, c'est la victoire et ça coupe. Et mec, j'étouffe et merde, et ouais, je suis tout vénère, besoin d'une bouffée d'air. L'état nous mange, c'est 4 murs ou 4 planches. J'ai pas une gueule d'ange, donc je peux pas montrer patte blanche. On avance, mais malheureusement dans le vent. Sur une mélodie d'enfant, j'évacue ce que j'ai dans le ventre. Quand ça se dégonfle, faut mettre un coup de pression. Un coup de stress, écoute, laisse, mec, c'est la haine, c'est t'as sans doute raison. On nous prive d'air au risque, qu'on te terrorise. Ouais, tout détérioré, faut qu'on s'extériorise. Si on veut faire des 10, c'est pas pour plaire aux gens. Moi, je me défonce le crâne, puis on m'interrogeant. Je me dis que c'est dead, j'ai plus de sous, plus de souffle. Jusqu'à des tailles pour que je me saoule. Plus ça va et plus je souffre. Faut que je me vide, faut qu'on mise sur l'avenir. Faut qu'on fasse les choses ensemble et les rats quittent le navire. Ouais, y'a plus d'air, c'est tout terne, ça consterne, on va faire comment? En plus tu dis que c'est la merde, c'est pas étonnant, donnant. Ce qu'on a sur le cœur, on prend les commandes. On se contente de peu, mais les galères t'attendent au tournant. Y'a plus d'air, ça consterne, on va faire comment? En plus tu dis que c'est la merde, c'est pas étonnant, donnant. Ce qu'on a sur le cœur, on prend les commandes. Relève la tête et fais l'effort, l'oxygène augmente. Y'a trop de mecs qui pompent l'air depuis les hautes sphères. Y'a trop de flics qui t'observent, qui m'accoulent et ça me la drogue, frère. Y'a trop de mères qui pleurent, un fils, une fille parti trop vite. Sous les balles perdues qui sifflent, non y'a rien de drôle. Car nos lives sont plutôt tristes sur terrain. H24 c'est pour les poteaux et la street ramène de l'air pur. Car depuis trop longtemps ça pue, nos crânes saturent. Et ça fait trop longtemps que ça dure, parti de loin, parti de loin. On arrive tous au cimetière, communique au taxiphone. Pour pas partir en civière, faut pas t'en faire, non, non. Ça fait un moment qu'on sait, un moment qu'on étouffe, qu'on se noie, mais qu'on s'y fait. Aussi fier qu'au départ, en manque d'air, on débarque. Sans commentaire, on se démarre. Comment faire quand tout dérape, rien des schlags, hein. Donc j't'écoute, Marie, moi j'lasse. Écoute ma couille, y'a de la classe, mais plus d'air, on prend notre place. Ouais, y'a plus d'air, c'est tout terne, ça consterne, on va faire comment? En plus, tu me dis que c'est la merde, c'est pas étonnant, donnant. Ce qu'on a sur le cœur, on prend les commandes. On se contente de peu, mais les galères t'attendent au tournant. Y'a plus d'air, ça consterne, on va faire comment? En plus, tu me dis que c'est la merde, c'est pas étonnant, donnant. On a sur le cœur, on prend les commandes. Relève la tête et fais l'effort, l'oxygène augmente. Aïe, yeah, 380 paradoxes. C'est là qu'on se couse, mon pote. Pas une seule, écoute ça. On est là, on est là. Yeah, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3